Que je l'ai aimé, tu trempais en été. Elle me fait dire, m'entraîne dans le banal et puis bascule dans la confidence. Mais souvent, je me surprends à vociférer, alors pour me rebeller, je bégaye. Celle-ci m'a chaviré. Doucement, on est allé. Violemment, ça s'est terminé. Tout trempé, on était. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé? Aujourd'hui, mon rose et mon attrait, je compte les étés et j'attends le dernier. Elle toute blanche m'a voulu et reviendra à mon côté. Alors on m'a bichonné et grâce à nouveau je m'ai laissé. Je compte les étés et j'attends le dernier. Je me souviens d'une velue à souhait. Celle-ci m'a chavirée. Doucement, on est allé. Violemment, ça s'est terminé. Tout trempé, on était. Aujourd'hui, le rose est mon attrait. Je compte les étés et j'attends le dernier. Elle toute blanche m'a voulu et revenu. Il entraîne dans le banal et puis bascule dans la confidence. Alors je m'exécute, ravi de la délivrer. Et souvent je me surprends à vociférer, alors pour me rebeller, je bégaye. Aujourd'hui, le rose est mon attrait. Je compte les étés et j'attends le dernier. Car toute blanche m'a voulu et revenu à mes côtés. 3 billion human lives ended on August 29, 1997. Survivors of the nuclear fire called the War Judgment Day. They lived only to face a new nightmare. Against the machines. Thank you.